Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'affaire Forisson ou l'itinéraire d'un négationniste. Une émission en partenariat aujourd'hui avec l'Université d'hiver du barreau de Paris qui se tiendra à Sciences Po. L'une des thématiques de ces journées de débat s'intitule « La fabrication des grands mensonges ». Quel plus grand mensonge, justement, que cette entreprise de falsification de l'histoire opérée par les négationnistes. Ce discours nie le génocide des Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale et il s'applique tout autant à la volonté d'extermination du Troisième Reich qu'à l'emploi des chambres à gaz. Il s'agit donc de nier la réalité de cet anéantissement systématique, massif et industriel de la communauté juive. Bien ancré dans l'esprit dérangé de ces négationnistes, l'Holocauste ne serait que le plus gros mensonge du XXe siècle, fomenté par les Juifs eux-mêmes pour culpabiliser l'Occident et légitimer la création de l'État d'Israël. En France, c'est un homme, en particulier Robert Forisson, qui a porté et incarné cette dérive. Médiatisé à la fin des années 70, il n'a cessé de diffuser son discours tout au long des décennies qui ont suivi. Face à ce délire coupable, cet attentat contre la mémoire et le respect des victimes, les historiens, la justice, la société civile ont dû réagir et ils ont combattu ce discours par la réflexion, la connaissance, la loi pour dévoiler le ressort de ce qui n'est en réalité qu'une expression de l'antisémitisme. En seconde partie d'émission, nous recevrons Valérie Gounet, historienne à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, spécialiste du négationnisme et de l'extrême droite en France. Elle a notamment écrit le livre Robert Forisson, portrait d'un négationniste aux éditions du Seuil et co-écrit avec Michael Prasant le film Les faussaires de l'histoire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui Ronan Mahé. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mars 2007, 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. Cette chambre, et les tribunaux en général, un homme en a fait depuis 30 ans son terrain de jeu favori, sa tribune. Cet homme, c'est Robert Forisson. Nouveauté, ce 12 mars 2007, ce n'est pas en qualité de prévenu que le négationniste français se présente à la barre, mais comme plaignant. Et la personne contre qui il porte plainte n'est autre que Robert Badinter. Les faits remontent au 11 novembre 2006. Ce soir-là, le célèbre avocat, ancien garde des Sceaux, participe à une émission de télé. Interrogé sur la question de la liberté d'expression, il explique qu'elle s'arrête là où commence la provocation à la haine raciale. Pour illustrer son propos, il déclare « Le dernier procès que j'aurais plaidé dans ma vie avant de devenir ministre, c'est l'affaire Forisson. Je l'ai fait condamner en tant que faussaire de l'histoire. » Il n'en fallait pas plus pour que Robert Forisson porte plainte pour diffamation, arguant qu'il n'a jamais été condamné pour avoir falsifié l'histoire. Près de 30 ans après, en 2007, les deux hommes se retrouvent dans un tribunal. Après une traversée du désert médiatique, le négationniste français a repris du poil de la bête. Il était accueilli en grande pompe quelques mois plus tôt en Iran pour une conférence sur la négation de l'Holocauste. Sous la houlette de son président Ahmadinejad, ce pays tient un discours officiellement négationniste. Une consécration pour Robert Forisson. En face, Robert Badinter se défend. Lui qui a perdu plusieurs membres de sa famille, dont son père, dans les camps nazis, veut faire en sorte que ce procès soit celui du négationnisme tout entier. Il demande donc à ce que le procès soit filmé et surtout, il appelle en qualité de témoin des historiens spécialistes de la question. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux, Henri Rousseau, qui vient rappeler pourquoi il a créé le néologisme négationnisme. Car longtemps, ils se sont appelés les révisionnistes, mais c'était leur donner trop d'honneur que de l'accepter, car réviser est une démarche normale de l'historien qui doit remettre en cause en permanence les interprétations. C'est la démarche empirique légitime dans toute approche scientifique, à la lumière, par exemple, d'éléments nouveaux. Les négationnistes nient eux pour les faits établis. D'ailleurs, les premiers furent les nazis eux-mêmes qui ont opéré la destruction systématique des traces du génocide. Langage codé, utilisation des fours crématoires, destruction de presque toutes les chambres à gaz au moment de la défaite. En 30 ans, et malgré des années de travaux, d'études et de réflexions, le postulat du négationnisme n'a pas bougé. Alors, comment une telle idéologie a-t-elle pu voir le jour? Qui est Robert Forisson? Et qu'est-ce qui a permis à son discours d'être médiatisé jusqu'à devenir un discours d'État en Iran et séduire encore aujourd'hui, parfois, la jeune génération? Gérard Leblanc. Alors, nous venons d'entendre, n'est-ce pas, dans la bouche de M. Forisson, un exposé universitaire en style parodique. La seule mystification, c'est vous. Vous défendez votre beefsteak, vous essayez de vous faire un peu de publicité. Ce genre de manipulation, j'emploie volontairement un mot apparemment désagréable, ce genre de manipulation du texte, n'est-ce pas, ne sème la confusion que dans les esprits qui sont déjà confus. Bon, alors un exemple, M. Forisson, pour terminer très brièvement. Je lis sur le ton grave et même majestueux qui est requis par l'auteur. Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence. Et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle afin de ne pas mourir de faim. Il faut que chacun vive. Cela dit, il se déclare beau comme une corvette cuirassée à tourelles. Monsieur Forisson, quelle animation pour une thèse qui aurait été dictée par la peur, par le conformisme universitaire, etc., etc. Non, par le goût du c'est magnifique. Non. Quelle émotion. Le 27 avril 1971, sur le plateau de Potsdam, la célèbre émission culturelle présentée par Michel Pollack, les Français découvrent Robert Forisson, ce professeur de littérature d'une quarantaine d'années plein d'assurance. Il s'est déjà fait remarquer à plusieurs reprises dans le petit monde littéraire. À coups d'articles, il dénonce la mystification des interprétations de certaines œuvres de la littérature. Selon lui, il faut coller au texte, faire abstraction du contexte et de l'auteur pour y dévoiler le sens véritable. Mais ce 27 avril 1971, à l'issue de l'émission, une autre partie se joue en coulisses. Michel Pollack et Robert Forisson prolongent leur discussion. Rapidement, l'universitaire dérive. Il commence à parler du mythe des chambres à gaz. Les deux hommes en viennent presque aux mains. C'est que Robert Forisson ne limite pas son entreprise de démystification aux simples écrits littéraires. Non, il se pique aussi d'histoire contemporaine. Depuis une vingtaine d'années, il est hanté par une idée, l'humiliation du peuple allemand au sortir de la guerre et la justice des vainqueurs imposée aux vaincus. Ce ressenti est nourri puis amplifié par la lecture des premiers auteurs révisionnistes français. D'abord, Maurice Bardèche, écrivain fasciste et initiateur du courant qui, dès 1948, publie Nuremberg ou La Terre promise, dans lequel il dénonce un soi-disant mensonge des chambres à gaz. Ensuite, le mensonge d'Ulysse, de l'ancien militant socialiste et résistant Paul Racigny, est déporté au camp de Buchenwald pendant la guerre. Racigny n'a pas vu de chambre à gaz, et pour cause, il n'y en avait pas dans ce camp. Robert Forisson se plonge dans le sujet, se rend plusieurs fois à Auschwitz, en Pologne, où il consulte des archives. Il remarque des incohérences sur les plans de certains crématoires, constate la mauvaise reconstitution opérée par les soviétiques, et conclut à l'impossibilité technique des chambres à gaz. À Auschwitz, qui en octobre 1978, fait l'ouverture de tous les journaux télé. 6 millions de juifs disparus, une invention pure et simple, une invention juive. À Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Les juifs n'ont qu'une idée en tête, mettre la pagaille partout, leur but, faire de Jérusalem la capitale du monde. Ces propos, vous pouvez les lire dans l'Express de cette semaine. L'homme qui les tient, Leichmann, français, l'organisateur de la grande rafle du Veldiv, vit paisiblement en Espagne. Il s'appelle Louis Darquier de Pellepoix. Il était commissaire général aux questions juives de 42 à 44. Les 15 pages offertes par le magazine L'Express à Darquier de Pellepoix choquent l'opinion publique. Comment nier l'existence des chambres à gaz après les procès de Nuremberg en 1946 et d'Eichmann en 1961, après les travaux d'historiens pionniers comme Léon Poliakov, et surtout, après les témoignages des rescapés et de certains bourreaux? Et pourtant, à la fin des années 70, en Europe et aux États-Unis, le négationnisme prend l'ampleur. Il s'appuie notamment sur une historiographie qui accuse un retard considérable sur le sujet. D'ailleurs, Robert Forisson est l'un des premiers Français à se rendre à Auschwitz pour consulter les archives. Et sa méthode se met en place. Il repère minutieusement toutes les contradictions entre les documents ou les témoignages qui soutiennent son postulat. Il lit d'autres négationnistes étrangers et publie ses premiers articles. Surtout, il attend le moment opportun qui lui permettra de donner un écho national à ses thèses et d'asseoir ainsi sa notoriété. Cette fenêtre, c'est Darquier de Pellepoix qui lui ouvre. Quelques semaines seulement après la publication de l'interview dans l'Express, le 16 novembre 1978, le Matin de Paris lance l'affaire Forisson. Les séquelles de l'affaire d'Arquette Pellepoix, un maître de conférence de l'université de Lyon 2, Robert Forisson, vient d'être suspendu pour un mois. Dans une interview au journal Le Matin, il avait minimisé les crimes nazis et nié l'existence des chambres à gaz. À la demande du ministre des Universités, une enquête a été ouverte sur l'étrange monsieur Forisson, le conférencier à la mémoire courte. Sur une page entière, le titre s'affiche comme une provocation insupportable. Les chambres à gaz, ça n'existe pas. Ça y est, le professeur Forisson de l'université Lyon 2, un titre dont lui et les médias useront à outrance, accède pour la première fois à une diffusion nationale. À Lyon, des étudiants juifs, pour la plupart, dénoncent les propos antisémites du maître de conférence. Alors qu'il est suspendu, Robert Forisson se présente le 20 novembre à l'université. Il est violemment pris à partie par une soixantaine d'élèves. Et le scandale s'invite sur les bancs de l'Assemblée nationale. Des députés demandent d'ouvrir une enquête sur les propos tenus par ce professeur d'université. Face à l'ampleur de la polémique, c'est le journal Le Monde qui entre en scène. Depuis 4 ans, Robert Forisson essaie tant bien que mal d'être publié dans ce quotidien. 4 ans de refus. Mais le 29 décembre 1978, Le Monde décide de publier un texte de Robert Forisson écrit quelques mois auparavant, dont voici un extrait. Le problème des chambres à gaz ou la rumeur d'Auschwitz. Nul ne conteste l'utilisation de fours crématoires dans certains camps allemands. La fréquence même des épidémies dans toute l'Europe en guerre exigeait la crémation, par exemple des cadavres de typhiques. C'est l'existence des chambres à gaz, véritable abattoir humain, qui est contestée. Depuis 1945, cette contestation va croissant. Tandis que sur les crématoires d'Auschwitz, on possède des milliers de documents, on ne possède sur les chambres à gaz, qui paraît-il flanquaient ces crématoires, ni un ordre de construction, ni une étude, ni une commande, ni un plan, ni une facture, ni une photo. Lors de 100 procès, rien n'a pu être produit. Après la guerre, la Croix-Rouge internationale, le Vatican, les nazis, les collabos, tous déclaraient avec bien d'autres, les chambres à gaz, nous ne savions pas. Mais comment peut-on savoir les choses quand elles n'ont pas existé? Le nazisme est mort, et bien mort, avec son Führer. Reste aujourd'hui la vérité. Osons la proclamer. L'inexistence des chambres à gaz est une bonne nouvelle pour la pauvre humanité. Une bonne nouvelle qu'on aurait tort de tenir plus longtemps cachée. Es spricht der Führer! Toute la rhétorique forissienne est là, son pseudo-argumentaire est brandi et ne bougera plus, un sophisme absolu. On découvre la méthodologie négationniste. D'abord, rappeler avec émotion l'heureuse découverte du mensonge, cette magique chambre à gaz, expression de l'écrivain Céline souvent reprise par les négationnistes. Ensuite, témoigner d'un acharnement au travail. On parle de masses d'archives, de kilos de documents. Enfin, créer l'ambiance du doute, l'air du soupçon. Une atmosphère que parvient à instaurer Robert Forisson à ce moment précis. Car même si le journal Le Monde justifie cette publication par le trouble provoqué chez les jeunes générations, s'il publie aussi un article de l'historien Georges Vellers intitulé « Abondance de preuves », la victoire de Forisson est totale. Il s'est invité dans le journal de référence, et pire, la réponse de Georges Vellers insinue l'idée qu'il s'agit là d'un interlocuteur crédible que deux écoles historiques finalement se font face. D'autant que Forisson reçoit un soutien inattendu. Il parvient à séduire un groupe d'ultra-gauche en pleine reconstruction, la vieille taupe. L'idéologie négationniste plaît aux révolutionnaires. Si on nie les chambres à gaz et donc le génocide, le véritable responsable de ce second conflit mondial n'est plus le fascisme, mais le capitalisme. Pierre Guillaume, au sein des éditions de la vieille taupe, devient le premier soutien de Robert Forisson. Dans son sillage, des historiens et intellectuels reconnus comme Serge Thion rejoignent le négationniste. En décembre 1981, Pierre Guillaume publie un livre de Robert Forisson, « Mémoire en défense contre ceux qui m'accusent de falsifier l'histoire ». En préface de l'ouvrage, il place un texte de Noam Chomsky, l'intellectuel de gauche américain, qui prend la défense des négationnistes français au nom de la liberté d'expression. Un soutien qui ne manque pas de faire réagir. Pour promouvoir le livre, Pierre Guillaume convainc Yvan Levaille d'inviter Robert Forisson à son émission matinale « Expliquez-vous » sur Europe 1. Le journaliste accepte. Le 17 décembre 1980, les Français entendent cette interview. Alors, monsieur, si vous permettez, Puisqu'enfin j'ai la parole, j'en viens directement au sujet. J'ai essayé de résumer en une phrase de 60 mots le résultat de mes recherches. Je vous préviens, elle ne m'est inspirée par aucune sympathie ou antipathie politique. Allez-y. Alors voici. Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international et dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier. J'en ai terminé avec ma phrase de 60 mots. Vous êtes conscient qu'en disant cela, là, calmement, à ce micro, vous insultez beaucoup de monde. Je dirais même que vous faites mourir des gens deux fois. Vous êtes conscient de ça? J'entends souvent dire cela. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Ainsi, le négationnisme vient de s'inviter à la matinale la plus écoutée de France, à l'époque. Des millions de Français entendent cette phrase de 60 mots dont Forisson fera son slogan. Mais tout cela n'est qu'un fourre-tout idéologique qui mêle le nationalisme à l'anticommunisme, l'antisionisme, au fascisme et qui rassemble une partie de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Dans cet océan de malhonnêteté intellectuelle, Robert Forisson nage comme un poisson dans l'eau. En 2 ans, le négationnisme est passé de la marge au cœur de l'espace public. Les historiens, les politiques, les citoyens sont désormais au pied du mur. Ils doivent trouver les réponses pour renvoyer ce discours à sa place légitime, les poubelles ou mieux encore, les oubliettes de l'histoire. Un an, marié et père de famille, suspendu d'enseignement pour cause de scandale, le professeur Robert Forisson est un petit homme sec et têtu. Depuis des années, il joue à l'historien qui a raison face au monde entier qui a tort. Et plus on le condamne, plus il s'entête à répéter que les chambres à gaz n'ont pas existé dans les camps nazis. Je pense même qu'il est coincé dans ce système, car s'il admettait aujourd'hui qu'il a eu tort, il remettrait en cause, il gommerait des années de recherche et de travail qui sont la justification de son existence. Donc, on revit l'histoire dans ces procès à goutte de crématoire, et rien n'est plus pénible que d'entendre, comme tout à l'heure, un rescapé d'Auschwitz s'écrier avec dans le regard le souvenir des longues files d'enfants, de vieillards et de femmes nues. Mais alors, où sont-ils, ceux qui ne sont jamais revenus ? « grâce à Robert Forisson, se décide à réagir. Le MRAP, la LICRA et 6 autres associations intentent un double procès contre le négationniste pour ses articles et incitations à la haine raciale dans son interview sur Europe 1. Les associations sont représentées par Robert Badinter et dans les deux cas, en 1981, Forisson est condamné. Et on se rend rapidement compte que ces procès à répétition constituent en fait une tribune pour le négationniste. Médiatisé, il lui offre une nouvelle opportunité d'asséner ses thèses. Auréolé de sa réputation nationale, il assoit sa position au sein d'une nébuleuse négationniste qui s'internationalise. Face à cette offensive, les historiens aussi décident d'entrer dans la bataille. Comme le chercheur Pierre Vidal-Naquet, interviewé quelques années après par Bernard Pivot. Ces révisionnistes, vous disputez leur thèse, mais vous ne voulez pas parler avec eux. Ah, il n'en est pas question. Il n'en est absolument pas question. Est-ce qu'un astronome parle avec un astrologue ? Leur donner la parole, c'est leur donner la seule chose qu'ils réclament. Et par conséquent, du jour où on admettra qu'ils dialoguent avec d'authentiques historiens, ils auront gagné la partie. Par conséquent, il n'en est absolument pas question. On les étudie comme on étudie une perversion, une maladie de notre époque. Les historiens prennent les choses en main, se mobilisent, des colloques sont organisés sur l'Allemagne nazie, le génocide des Juifs. Georges Wellers publie « Les chambres à gaz ont existé », dont le titre fait directement écho aux négationnistes, bien sûr. Au début des années 80, paraissent coup sur coup les ouvrages fondateurs, comme « La destruction des Juifs européens » de l'Américain Raoul Hilberg. Certains chercheurs le reconnaissent, le négationnisme a eu un rôle d'accélérateur pour la recherche historique. Pour sa part, Robert Forisson balaie d'un revers de la main ses avancées historiographiques. Car lui se place sur un autre plan, l'aspect technique, la preuve scientifique de l'impossibilité des chambres à gaz. C'est le pilier de son édifice. Alors, peu importe les témoignages, les archives, les recoupements, le professeur de lettres se rêve ingénieur. Les véritables historiens, eux, ne sont pas techniciens et le savent. Ils veulent se concentrer sur le comment, le pourquoi de cet événement. Robert Forisson s'engouffre donc dans sa brèche. Problème, il ne peut plus retourner à Auschwitz. Au printemps 1980, en plein cœur de l'affaire, il rencontre un pharmacien du nom de Jean-Claude Pressac. L'homme s'intéresse depuis plusieurs années à la Seconde Guerre mondiale et aux chambres à gaz en particulier. Il s'est rendu plusieurs fois à Auschwitz, et chez lui aussi le doute s'est immiscé. D'abord impressionné par Robert Forisson, Pressac commence à collaborer avec lui. Le pharmacien retourne à Auschwitz à plusieurs reprises. Mais petit à petit, il se rend compte que les thèses de Forisson ne tiennent pas. Quelques années après, il y reviendra sur le plateau de l'émission Ex Libris de TF1. On m'a dit de ne pas douter, mais vous savez comment sont malheureusement les Français. On aime bien entendre tous les sons de cloche. Je me suis donc tourné vers celui qu'on m'avait dit de ne pas suivre, de ne pas faire pareil. J'ai donc téléphoné à Forisson. Bon. Il est un fait que j'ai travaillé avec lui. C'était, pour ma part, passionnant. Découvrir un sujet comme ça, c'était même ultra passionnant. Mais très rapidement, comme j'étais le seul à pouvoir retourner au musée d'Auschwitz pour vérifier ses thèses et contrôler dans les archives s'il y avait vraiment quelque chose, alors là, ça n'a pas tenu. En 2 jours, sa thèse a été balayée. Et puis moi, je me suis retrouvé un peu comme un imbécile. Jean-Claude Pressac devient le repenti du négationnisme. Son parcours sinueux et la nature de ses travaux troublent la communauté scientifique. Ses travaux sont décisifs pour la recherche historique sur le sujet. C'est surtout un coup terrible porté à Robert Forisson qui disparaît pour un temps des écrans radars comme une œuvre de salubrité publique. En réaction, ce dernier pousse d'autres négationnistes à prendre le relais médiatique. Le 30 avril 1985, Shoah, le film de Claude Lanzmann, sort sur les écrans français et connaît un succès considérable. Le génocide des Juifs, sa mémoire, son histoire s'invitent au cœur de la société civile. Moins d'un mois plus tard, le 15 juin 1985, un chercheur soutient sa thèse à l'université de Nantes. Il s'appelle Henri Rock. Cet ancien ingénieur agronome à la retraite travaille depuis quelques années sur le témoignage de Kurt Gernstein, un ingénieur allemand mort en 1945, qui dans un rapport de 1942 dit avoir assisté à un gazage homicide au camp de Belzec. Dans sa thèse, le français relève les incohérences de ce témoignage central. Son travail s'inspire fortement des thèses révisionnistes. Il est d'ailleurs conseillé par Robert Forisson. Henri Rock reçoit la mention très bien. Une recherche à forte connotation négationniste a donc été tenue au sein même de l'université française. Au cours des mois qui suivent, l'information circule et un an plus tard, elle sort dans la presse. Un journaliste d'Antenne 2 interviewe Henri Rock. Je ne vous répondrai ni par oui ni par non, mais je vous dirai qu'il y a de bonnes raisons pour les mettre en doute. Mais alors toutes ces images que l'on a vues, ces files de gens nus qu'on emmenait vers les chambres à gaz, vous en niez l'authenticité ? Mais on n'écrit pas l'histoire avec des films. Ces images, je pense que ces images d'enfants et d'hommes nus sont exactes. Les gens ont été déshabillés, c'est peut-être humiliant, mais c'est pas parce qu'ils ont été déshabillés qu'on doit en conclure qu'ensuite ils ont été gazés. Alors le cyclone B, ça servait à quoi selon vous ? Eh bien le cyclone B servait depuis 1924 dans l'armée allemande pour désinfecter les locaux et également les vêtements. En 1986, à nouveau, les thèses négationnistes font la une de l'actualité. Faurisson et ses pairs jubilent. En 1987, le procès Klaus Barbie devient un événement tout trouvé pour relayer leur idéologie. Quelques mois plus tard, Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, parle de détails de l'histoire au sujet des chambres à gaz. Les polémiques et les affaires négationnistes du antisémite s'accumulent. Au printemps 1990, la profanation du cimetière juif de Carpentras bouscule la classe politique qui décide enfin de réagir. Et le 13 juillet, le Parlement vote la loi Guesso. Un vote sans consensus. Seuls les députés communistes et socialistes ont voté pour la proposition de loi antiraciste du PC. La loi du 1er juillet 1972, qui visait à punir les actes et propos racistes, en est renforcée. Le révisionnisme, la doctrine défendue par le professeur Faurisson ou Henri Rock, et qui vise à nier l'existence du génocide juif par les nazis, devient un délit, entrant dans le champ d'application de la législation antiraciste. Cette loi s'affiche clairement comme une réponse au négationnisme. Elle fait pourtant débat. Légiférer sur cette question, n'est-ce pas lui donner du poids ? Et puis, est-ce au législateur de faire l'histoire et la juger ? Pour d'autres, cette loi permet aussi et surtout de démasquer l'entreprise négationniste, celle d'une manifestation à peine déguisée de l'antisémitisme. La loi votée, Robert Faurisson s'empresse de donner une interview en septembre 1990 au magazine d'extrême droite, Le Choc du Mois, interview dans laquelle il déclare que le mythe des chambres à gaz est une gredinerie. Plusieurs associations d'anciens déportés se portent partie civile et attaquent Robert Faurisson pour contestation de crimes contre l'humanité. L'intéressé se frotte les mains. Il retrouve sa tribune favorite, sa nouvelle salle de classe. Au procès, Faurisson fait sa leçon pour les membres des associations. C'en est trop. Plusieurs personnes quittent la salle d'audience. Il continue à prétendre que ça n'existe pas. Et moi, je témoigne qu'il y a 50 ans que je suis privée de mes 5 frères et sœurs. Vous me quittez la salle d'audience, je découte un connard pareil. Je suis une victime directe et ce que j'ai vu est inoubliable. Et je voudrais faire le procès de Nuremberg. Alors voyez où ça va, c'est horrible, comment les choses se font. On ne peut pas laisser faire cet homme, on ne peut pas le laisser dire. Ou alors je n'ai pas existé, ou alors ça n'a pas été vrai. Je ne sais plus quoi dire, c'est l'horreur. Le 18 avril 1991, Robert Faurisson est condamné par la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris pour contestation de crimes contre l'humanité. Il inaugure la première application de la loi Guesso. 16 ans plus tard, en 2007, il se retrouvera de nouveau devant cette chambre qui juge les mots, mais cette fois en tant que plaignant. Mais rien n'y fait, il sera débouté face à Robert Banazer. De la première polémique jusqu'à la loi Guesso de tribunaux en conférence, Robert Faurisson a réussi en une décennie à mettre sur le devant de la scène le discours négationniste. En 30 ans, cette idéologie n'a pas bougé, elle est restée figée sur son postulat. Pour reprendre les mots de Vidal Naquet, elle a simplement remplacé l'insupportable vérité par le rassurant mensonge. Pourtant, avec le temps et l'évolution des technologies, Internet notamment, le négationnisme a muté. Il a conquis de nouveaux territoires, comme les pays arabes et un autre public. Face à ces faussaires de l'histoire, les historiens, la justice, les associations continuent de se mobiliser pour lutter contre ce mal profond et sournois qu'on appelle l'oubli. Robert Badinter ne disait pas autre chose lors de son témoignage devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. Je terminerai, parce que je le tiens à le dire, sur une note plus personnelle encore. Monsieur Forisson, tout à l'heure encore, vous a répété « Oui, oui, cette entreprise, cette escroquerie politico-financière. » Alors, ça veut dire quoi ? Si on le traduit dans sa vérité humaine comme moi je l'ai vécu, ça veut dire que tous ceux qui sont morts sont devenus les instruments conscients utilisés par tous les juifs pour quoi faire ? Pour arracher des réparations auxquelles ils n'auraient pas eu droit ? Les, j'en verrai toujours, ma mère recevant les misérables indemnités parce qu'il ne restait rien. Alors elle était quoi ? L'accomplice ? L'accomplice d'une escroquerie politico-financière ? C'était ça qu'elle faisait à cet instant-là ? Et ses fils, nous, c'étions quoi ? Les profiteurs ? Les bénéficiaires de cette escroquerie ? Les mots ont un sens, sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous, et pour qu'il n'y ait aucune équivoque, que les choses soient claires. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire, des faussaires de l'histoire, et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tira, elle, la leçon et gardera le souvenir. Que croyais-tu voir dans la rue quand tu m'as croisé cette fois-là ? Que voyais-tu dans mon regard écru ? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. J'ai cru pouvoir. La saisir en toi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Robert Forisson avec notre invité Valérie Gounet. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes historienne à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, spécialiste du négationnisme, de l'étude du négationnisme et de l'extrême droite en France. Vous avez notamment écrit le livre Robert Forisson, portrait d'un négationniste aux éditions du Seuil. Et vous avez co-écrit avec Michael Prasant le film Les faussaires de l'histoire. Je recommande à tous nos auditeurs de le regarder, car il est très clair. Il est, de ce point de vue, très précieux. Je me disais tout à l'heure, là, en faisant ce récit, et tout le monde l'aura compris, que l'une des façons de combattre le négationnisme, c'est de ne pas lui offrir de tribune. Et on a quand même parlé du négationnisme, on a parlé des arguments des négationnistes pendant 35 minutes. Bon, ben voilà, c'est un choix, je l'assume complètement, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous. Comment faut-il réagir par rapport au négationnisme? Écoutez, moi, je suis un peu mal placée pour vous contredire, puisque j'ai fait une thèse d'histoire sur le négationnisme, j'ai écrit deux ouvrages sur le négationnisme, je les ai rencontrés tous, donc je pense évidemment qu'il faut en parler pour le combattre. Après, c'est la façon dont on en parle, et ce qui est important selon moi, c'est justement de ne pas rentrer dans cet aspect technique qu'ils entendent développer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est revenir sur ces idéologues, leur perversion, et justement mettre derrière leurs itinéraires leur ambition politique. Bon, on est bien d'accord, la démarche négationniste de Forisson et de ses amis, c'est une démarche clairement antisémite. On est bien d'accord, clairement antisémite, et je rajouterai un autre mot, anti-sioniste avec de grands guillemets, parce que c'est justement aussi leur point d'ancrage. Dès que, à partir des années 60, une des premières mutations du discours négationniste, c'est justement sous couvert d'antisionisme, on va développer ce discours. Antisionisme, donc opinion politique, bien qu'on peut se demander en quoi on peut ne pas reconnaître ou nier l'existence d'Israël. On ne fait pas pour la France, pour d'autres pays. C'est un pays qui a été reconnu et qui existe. Donc l'antisionisme est peut-être aussi à la frontière de l'illégal et du légal, c'est-à-dire du pensée politique. Bref, et c'est vrai qu'il y a eu des glissements. Quelquefois, certains d'entre eux ont passé la ligne rouge qui mène à l'antisémitisme. Et ça a été le cas d'une certaine partie de l'extrême-gauche française. Bien sûr. Il y a pas mal de choses à dire sur cet antisionisme avec des guillemets, dans le sens que il fallait bien comprendre que les premiers initiateurs du négationnisme, vous en avez parlé tout à l'heure, ce sont Maurice Bardèche et Paul Racigny. Oui. Cette idéologie est justement apparue en 1948. Ce n'est pas innocent, puisque 48 est l'année de la création d'Israël. Israël, bien sûr. Par contre, ce qui est important de souligner, c'est que une des premières mutations de ce discours idéologique, qui est 67, c'est la guerre des six jours. Et c'est justement là qu'un homme qui s'appelle François Duprat, on y reviendra si vous voulez, a bien compris aussi que si sous couvert, en guillemets, d'antisionisme, on avance un discours politique, ça peut, pourquoi pas, fonctionner. Mmh. Et justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on va dire que les victimes de ce soi-disant mensonge sont avant tout les Palestiniens. Et c'est comme ça que ce discours va commencer à prendre dans les années 67-68. Parlez-nous de ce Duprat et de son rôle dans ce processus-là de détournement de l'histoire. François Duprat est intéressant sur plusieurs aspects. C'est-à-dire que c'est donc une des personnes qui a politisé le discours. Il fait partie de la bande de Maurice Bardèche. Mais ce qui est important, il faut insister sur un point, c'est que c'est un des idéologues du Front National. François Duprat était numéro 2 de Jean-Marie Le Pen. Et c'est lui qui a diffusé une des brochures essentielles en 76 qui s'appelle « 6 millions de morts, le sont-ils réellement ?» Il l'a diffusé au sein du Front National, mais aussi à un niveau international. Et il faut savoir que justement, si le Front National est apparu sur la scène politique en 72, pratiquement concomitant, il a attiré aux thèses négationnistes par le biais d'hommes comme François Duprat, mais aussi par sa composition, puisque comme vous le savez aussi, dès le début des années 72, quand ce parti est créé, une des natures du parti de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il y a parmi ces idéologues, par exemple d'anciens Waffen-SS, etc. quoi. Alors, puisque vous parlez de Jean-Marie Le Pen, on va écouter ensemble cette archive qui remonte au 13 septembre 1987 sur le plateau de l'émission RTL Le Monde, et Jean-Marie Le Pen répond à une question précisément sur les chambres à gaz. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 c'est... 6 millions de morts. Est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je l'ai compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est... Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail? Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas? Oui, c'était pas un point de détail, quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions. Il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit et prouvé, et absolument, quelques autres qui... Non, mais vous-même, M. Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs, et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas? Alors, on connaît tous le détail de l'histoire, on connaît moins la suite de son discours, c'est la raison pour laquelle nous le diffusons. Ce qui est bien, parce que justement, souvent, on se focalise sur le point de détail, ce que tout le monde connaît, mais moi, ce que je considère encore presque plus important, c'est il y a des historiens qui débattent de cette question. Et les historiens, ce sont les négationnistes dont Jean-Marie Le Pen parle. Puisque justement, plus tard il les nommera, ce sont Faurisson et Roch. Donc il faut bien voir ça. C'est que un parti comme le Front National en 87, on est à quelques mois du procès Barbie. Hein. On est en pleine offensive négationniste. C'est-à-dire que c'est aussi une des tactiques. À chaque fois que le contexte mémoriel le permet, les négationnistes ressortent. Alors là, Jean-Marie Le Pen leur donne vraiment un coup de main mémorable. Quoi. Mais il faut bien voir ça. C'est que un parti comme le Front National dans les années 80 considère les négationnistes comme des historiens. Il n'y a que lui qui les considère comme ça. I was 5 years ago. I didn't have your code, so I could get you on the phone. The old you I'm looking for. My favorite memory. You call me your majesty. And we let this whole castle fall down. Oh, what a tragedy. Do I still live in your head? Do you still live with regrets? Cause I do. I do. Do you got something on your chest? Do you wish we weren't finished yet? Cause I do. I do. Come bring me all your sins, I'll forgive all of them. If you put a band-aid on the scars, I'm no good at hiding them. Would you give me your heart again? Or at least let me borrow it. I see you, we don't even have to talk. I'll take an argument. Do I still live in your head? Do you still live with regrets? Cause I do. I do. Do you got something on your chest? Do you wish we weren't finished yet? I do. Do you got something on your chest? Valérie Gounet, évidemment, il n'y a pas question d'en vouloir une seule seconde aux rescapés des camps, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup parlé, pas d'abord parce que c'est difficile, et puis aussi parce qu'on ne voulait pas les entendre, parce que c'était culpabilisant. Alors ça s'est rangé au fil du temps, heureusement, mais est-ce que ce vide, presque vide, de témoignages a laissé un champ au négationnisme? Il y avait ce vide, je vais vous répondre après, et il y avait, à votre question, il y avait un vide, il y avait un contexte, il faut bien se rendre compte que les 20 années qui suivent la Seconde Guerre mondiale sont très particulières quand même. On a vécu, un événement tellement singulier, avec des guillemets aussi, que il faut bien voir que le contexte est là, c'est-à-dire il y a un étouffement, mais il y a aussi, c'est vrai, leurs paroles ne sont pas audibles. Alors, est-ce que ce vide a permis aux négationnistes de se faire entendre? Je ne crois pas, puisque à ce moment-là, justement, on ne les entendait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont une méthode stratégique, les négationnistes, c'est-à-dire, là, comme vous l'avez parlé, on a entendu Forissier tuper le poids. Il a senti qu'il pouvait s'enfoncer dans cette brèche avec ses propos publiés par l'Express. Après, justement, si on en vient aux anciens rescapés, ils nous ont bien expliqué que quand ils ont entendu ces négationnistes médiatisés, ils ont voulu réagir. Ça les a sortis de leur torpeur. Ouais, ça les a sortis de leur torpeur. Mais ils ont surtout voulu laisser leur témoignage aux nouvelles générations. Et c'est vrai que il y a énormément de personnes qui ont vécu directement le génocide et qui se sont démenées, mais vraiment démenées, pour aller au sein des établissements scolaires, pour faire entendre leur témoignage aux jeunes générations. Il y a aussi des organismes, je pense au Mémorial de la Shoah, je pense aussi à la Fondation Spielberg aux États-Unis, qui recueillent et qui justement gravent à tout jamais leurs propos pour qu'on les entende, que leurs propos soient pérennes, quoi. Parlez-nous de ce Jean-Claude Pressac parmi les personnages qui ont façonné cette histoire. Alors justement, celui-là, il tient une place importante, hein. Il est intéressant. Il est intéressant sur plein de points. Il est intéressant parce que c'est vrai. Il a rencontré Forisson. Il était fasciné par Forisson. Moi, pour l'avoir vu des heures et des heures, Jean-Claude Pressac, il me parlait toujours d'explosion cérébrale, la confrontation intellectuelle entre Forisson et lui. Donc, il faut quand même déjà le situer comme ça. C'est donc un pharmacien de métier. Et comme vous l'avez bien, on l'a bien entendu, c'est vrai qu'en se rendant à Auschwitz plusieurs fois, donc il a quand même rencontré Forisson à Auschwitz. C'est pas un lieu neutre, en étant devenu émissaire de Forisson, en dépouillant les archives, il s'est entre guillemets rendu compte que le propos de Forisson ne tenait pas debout, et il est devenu un anti-Forisson. Anti-Forisson, du moins les premières années. Et c'est vrai que il a écrit un livre, Les Crématoires d'Auschwitz, qui est paru en 93 et qui a été publié par le CNRS. Et c'est vrai que il faut bien s'arrêter sur ce livre parce que le but de Pressac était de réfuter Forisson. Il a réussi, mais il a tenu, si vous voulez, un discours sur l'aspect technique de Forisson. Et Pressac a quelque chose en commun avec les négationnistes, c'est qu'il refuse d'entendre les témoignages. Et c'est pour ça que l'ouvrage de Pressac, qui a été une référence, a été très controversé par plusieurs historiens, parce que les témoignages font partie intégrante de notre histoire du temps présent, et il faut bien l'entendre. Bien sûr. À qui profite le crime négationniste? Aux antisémites de tout poil, évidemment, mais à qui? Je dis ça parce que dans votre film, Les Faussaires de l'Histoire, si mes souvenirs sont bons, on voit un moment Dieudonné sur scène, qui reçoit Forisson. C'est ça. Expliquez-nous ça, racontez-nous ça, parce que c'est quand même saisissant. On le sait, mais voilà, quand on le voit, on se dit, mais non, il n'a pas fait ça quand même, mais s'il l'a fait. Il faut resituer ces images de décembre 2008, où on voit un pseudo-humoriste qui s'appelle quand même Dieudonné Mbala Mbala, qui a rempli des salles entières, et on le voit soutenir Forisson, lui donner un trophée, par l'intermédiaire de son régisseur, qui est quand même, soi-disant, déguisé en déporté. Oui. Et on entend l'ovation du public. Il faut bien. C'est terrible, effectivement, c'est pour ça que j'en parle. C'est terrible, c'est terrifiant. Et faut bien voir que aujourd'hui, des hommes comme Dieudonné Mbala Mbala, comme Alain Soral, c'est eux qui donnent l'audience au négationnisme. Et c'est eux qui tentent de toucher via un antisionisme avec tellement de guillemets qui n'est pas un antisionisme justement, ces jeunes générations. Est-ce que vous avez peur d'Internet pour cette thématique-là, évidemment, puisque Internet, c'est la diffusion de l'information partout, très vite, et quelquefois pas contrôlée, mais pas vérifiée. J'ai pas peur d'Internet parce que c'est un outil extraordinaire, mais par contre c'est vrai que je me rappelle au début d'Internet, il y avait cet exemple d'un étudiant ou d'étudiants au pluriel qui avaient justement tapé Auschwitz en moteur de recherche et qui était tombé dans la première occurrence sur un discours de Forisson. Le problème d'Internet, il est là aussi. Oui. Après, comme on le sait, c'est un bel outil. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? C'est que si diffusion du négationnisme il y a et elle existe, c'est évidemment par ce biais. Par cet outil volatile qui est Internet. Mais en même temps, on sait bien que de l'autre côté, c'est aussi un outil extraordinaire, entre autres pour controverser le négationnisme. Souhaiterez-vous que la parole négationniste fasse l'objet de poursuites pénales, qu'elle soit donc interdite, comme la parole antisémite, mais la parole raciste? La loi Guesso, ah bah oui, qui est justement de juillet 90, est très controversée. Particulièrement sur un fait aussi, c'est que les négationnistes ont toujours voulu se représenter comme les victimes. Vous voyez? Et ah donc, oui, et ça, Forisso a bien su, et les autres, évidemment que c'est classique. Et donc, une éventuelle condamnation ferait qu'il serait en plus accrédité du statut de victime qu'il recherche tant. Donc il faut bien faire attention à une telle loi. Et en même temps, moi, je sais que les propos de Serge Klarsfeld m'avaient énormément, en tout cas, touché quand il me disait « Rendez-vous compte, justement, ces anciens déportés qui entendent Forisson, jusqu'à ce que ces anciens déportés soient encore en vie, pourquoi pas l'utilité d'une telle loi ?» Parce qu'il y a aussi, plus qu'un respect, il y a quelque chose à faire aussi. Alors, c'est controversé, est-ce que c'est utile ? Elle est utile, mais elle est peut-être pas appropriée au négationnisme. Ça pose une autre question, qui sera ma dernière question. Est-ce que c'est à la sphère politique, donc actuelle, de statuer sur l'histoire? Alors moi, c'est pareil, je suis mal placée, puisque je suis une historienne. Bah, non, oui. Je pense pas du tout, justement. Mmh. Je pense que nous, les historiens, nous sommes assez armés pour statuer là-dessus, et pour justement non pas répondre au négationnisme, mais écrire des ouvrages, faire des films, parler d'eux, avec une objectivité des documents, et montrer ce qu'ils sont, justement, que des idéologues qui cherchent avant tout à faire renaître l'antisémitisme sous une nouvelle forme. Quel négationnisme ? L'intrusion du politique dans le débat historique est une sorte d'interférence pour vous ? Oui, parce que je pense que, comme on dit, chacun son métier. Oui, on peut le dire comme ça. Voilà. Effectivement, il me reste à vous remercier, Valérie Gounet, pour vos éclairages et vos analyses autour de cette question, qui est encore grave, parce qu'elle n'est pas réglée. Non, pas du tout. Du négationnisme. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.